Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci à John qui m'a invité, à mes traducteurs et traductrices qui ont beaucoup travaillé, car ce n'est pas toujours commode de traduire ce que j'écris. Et puis, merci à vous, évidemment, je suis heureux de vous retrouver et de retrouver ou de trouver certains ou certaines d'entre vous. So thank you very much. I don't know if you can hear me or if you can hear him, but I just would like to thank everybody here for coming and my translators. And it's always a pleasure to be here with you. Alors, le premier point, je l'ai intitulé « Les paradoxes d'une catégorie fiction ». Alors, que peut bien vouloir dire chercher un style spécifiquement contemporain de pensée ? Contrairement aux classiques et aux modernes, qui sont de manière dominante des répétitions ou des variations inventives sur des traditions, mais qui se proposent la classique ou le classique de reprendre les traditions, la moderne ou le moderne de s'en défaire et de voir de l'anéantir, il faut, au contraire, à chaque instant, vouloir réinventer le contemporain, à chaque instant, et le mettre en acte plutôt que de l'imaginer comme déjà préfiguré. Être contemporain, c'est sans doute une revendication générale et vague de toutes les époques. Avec les plaintes, les espérances qui accompagnent les douleurs de l'enfantement. Une philosophie née au milieu du trop-plein d'un désert. Toujours déjà trop habité de pensées concurrentes ou bien trop vide. En philosophie, plus encore qu'en art, il est difficile d'élever à la hauteur d'une catégorie ou d'un problème le contemporain, parce que c'est une catégorie qui a pour fonction aussi de limiter la catégorisation et le classement propre aux traditions. Il s'agit d'introduire une certaine marge d'hésitation, d'aléatoire, être inspiré pour le contemporain par le futur sans se présenter dogmatiquement comme la philosophie du futur. Alors, la philosophie englobe plusieurs styles historiques, évidemment, mélangés dans chaque pensée individuelle. Le style, un instant de réflexion sur le style. No, we've just skipped two lines, so we are number two. Philosophy encompasses several historical styles. Le style est déjà une réduction des objets et des écritures, une isolation et un traitement neutralisant des rapports de langage, du langage, des affects et de la pensée. C'est une généralité donc d'esprit générique, c'est-à-dire un peu moyenne entre la platitude de degré zéro ou ordinaire du langage et l'élaboration catégoriale ou conceptuelle. Le style a déjà par lui-même au moins trois effets précis, que l'on peut dire génériques, et qui forment déjà ensemble un paradoxe. Premièrement, il abaisse la suffisance, la validité et la domination universelle du concept et de l'essence philosophique. La validité aussi est la domination des formules mathématiques ou des formules scientifiques. Il fait décliner leur excès de puissance et au mieux, réduit celle-ci à un milieu ou un ordinaire qu'il faudra éviter d'ailleurs de trop abaisser, Car un paradoxe se cache dans ce devenir, c'est celui de la distinction de l'absolu comme moderne, comme idéal moderne, et du radical comme plutôt contemporain. Deuxièmement, sans se confondre avec un nouvel inventaire thématique ou sémantique, il libère les forces que l'on dira productives de l'écriture et de la pensée. Et ceci justement en abaissant leur surexcès de prétention et de destination philosophique. Enfin, troisièmement, il subordonne ses forces à un double primat. D'abord celui que signalent Buffon et Lacan, après Buffon, le style c'est l'homme. Le style c'est l'homme. Bon. Comme point de vue, l'homme, autrement dit, comme point de vue sur l'objet et l'autre, et sur l'autre. Ensuite, selon René Roland Barthes, le style c'est le primat du corps sur l'écriture et la pensée. Donc primat de l'homme sur l'objet, primat du corps sur l'écriture et la pensée. Notre thèse est que s'il y a place pour un style dit spécifiquement contemporain dans la philosophie, il devrait confirmer ces trois effets et leur donner leur plein régime. On cherche donc ici une expérience de l'homme, comme sujet contemporain, valant également pour la philosophie et la science ensemble, l'art et la religion, sans doute aussi, donc générique en ce sens large. Tel un atlas générique, il devrait être capable de soutenir la conjugaison des genres d'écriture extrêmes. Je saute 3 et 4. So now we're moving to number 5, vectoriality is the generic form of the vectorial. La vectorialité, parce que je vais traiter le problème du philosophique comme style contemporain en termes de vecteurs. Alors j'expliquerai tout à l'heure pourquoi des vecteurs et pas des objets. Pourquoi une pensée par vecteur et pas une pensée par objet. So now I'm going to treat the problem of philosophy according to the problem of the vector and not according to the problem of the object. And I will explain later why I prefer to think in terms of vectors than in terms of objects. Par vectorialité, j'entends quelque chose de différent du vectoriel. Le vectoriel, c'est l'usage, l'emploi, la théorie des vecteurs en géométrie ou en mathématiques. Vectorial, alors je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Vectorial. Vectorial. En français, vectorial n'existe pas. So in French, vectorial does not exist. It's vectoriel with an E. Mais, évidemment, comme philosophe, je préfère utiliser vectorial. But as a philosopher, I prefer to use vectorial with an A. En souvenir de la distinction d'existentiel et existential. To echo the old distinction between existential and existential. Alors, un vecteur en général, c'est une flèche. Ah, c'est pas un objet. C'est une flèche munie d'un angle ou d'une phase, on appelle une phase. Comme flèche, c'est un objet qui semble incomplet, localement achevé mais non fermé dans son terme, par un terme, nullement écrasé par sa sommation, son addition, un autre vecteur peut toujours lui être ajouté. La loi du vecteur. Alors là, on passe déjà à quelque chose qui n'est plus tout à fait de la simple géométrie, mais qui entame quelque chose vers le vectorial. Le vecteur, la loi du vecteur, c'est la superposition ou l'addition. Lui et ses additions ne sont que semi-extatiques ou indirectes, et se distingue ainsi de la distance dite phénoménologique ou de la profondeur de l'objet en face du sujet. La distance phénoménologique, c'est la profondeur de l'objet en face du sujet. The phenomenological distance is the profundity or the depth of the object in front of the subject, and the vector departs from this view. Or, un vecteur ne vise pas directement un objet. Il vise indirectement un objet. En tant que muni d'une angularité ou d'une phase, il est orienté, le vecteur. Évidemment, il ne va pas n'importe où. Il est orienté sur un certain terme ou une autre flèche, un autre vecteur, ou indique une direction. C'est déjà dire que le contemporain sera plus ouvert, non fermé à la manière classique et moderne de l'objet, comme en soi, ou bien comme objectivité. C'est là une chance, avec la vectorialité, de destruction du modèle de la perception et même de la représentation. Enfin, comme vectorial proprement dit ou générique, j'expliquerai ce terme tout à l'heure, le vecteur cesse d'être une figure géométrique pour devenir un segment du réel, le réel n'étant évidemment pas la réalité, mais quelque chose comme une pulsion. C'est ce qu'il y a de vécu, le réel, ou de jouissance peut-être, dans le sujet, et avec quoi le vecteur fusionne. Le vecteur, dans son état de genre ou générique, n'est nullement son autoposition. Il ne s'agit pas d'autoposer le vecteur. Le vecteur engendre, se prolonge par d'autres vecteurs, mais il ne se reproduit pas comme vecteur. La loi du vecteur, on l'a dit, c'est sa superposition ou son addition avec, ici, l'humain prélevé sur le monde ou sur la philosophie, avec le vécu. Si bien que le vecteur, au sens vectorial, ne part pas du sujet individuel, mais d'un sujet générique, déjà relativement universel, et vient au-devant du sujet individuel. C'est une pulsion à rebours. À rebours. Cet adjectif ou cet adverbe est utilisé par Lévinas à propos de la transcendance de l'autre homme, une transcendance à rebours qui vient vers vous, au lieu que vous alliez vers. So this adverb, à rebours, which is translated by from behind, but actually in French it means something else, to be à rebours, is used by Lévinas to describe the transcendence of the other as it's coming upon me, as it's in front of me. Le radical ou le vectorial cache une dualité secrète. Ce n'est pas un adjectif ou un attribut. Il est plus complet que la simple racine. Il lui ajoute quelque chose qui est la référence à l'humain ou au vécu. L'homme n'est donc pas un animal, je saute les 3-4 lignes là, l'homme n'est donc pas un animal rationnel dont la raison serait le prédicat essentiel ou l'essence. En fait d'animalité, l'homme est un vivant, ou mieux encore un vécu. Et en fait de rationalité, c'est un vecteur de part en part. L'humain générique est un vecteur vécu ou tissé dans la jouissance, comme je disais autrefois dans le « joui sans jouissance », qu'on peut traduire peut-être dans le « enjoyed without pleasure ». Le radical est la racine en tant que minimum de vécu, ou de jouissance. Ce n'est ni l'arbre au sens de Descartes, l'arbre de la philosophie, ni le rhizome au sens de Deleuze, qui est une conjonction et une disjonction de racines, ni l'entrelac au sens de Derrida et de Lacan. De toute évidence, cette racine a la nature d'un nullémorphisme, c'est-à-dire d'une synthèse de forme et de matière. Ainsi compris, le vecteur ressemble apparemment, au flux et à l'objet partiel des machines désirantes de Deleuze dans l'Anti-Oedipe. Sauf que, si le flux et l'objet partiel fusionnent de manière inversée à l'infini, comme corps sans organes, ici, ils sont plutôt complémentaires. Complémentaires en un sens que l'on dira quantique. La dualité refuse de fusionner dans un un-tout, justement parce que, comme incomplète ou sous-déterminée, elle est complémentaire d'elle-même ou de ses sommations. Les vecteurs et leurs sommations, leur addition, ne fusionnent pas dans un en-soi absolu ou bien local, mais selon une localité sous-déterminée, c'est-à-dire qui manque de détermination, qui manque de concret au sens d'une plénitude fermée. Donc, une localité capable d'intrication plutôt que de totalisation, par rapport à une détermination complète et parfaite. Ce n'est donc pas un parallélisme spinoziste, c'est-à-dire classique interprété par une tradition, mais une orientation ascendante, qui vient ou souvient, et ceci comme justement Lévinas dirait à rebours. Mais il concevait, il est vrai, cette grâce de l'autre homme comme infinie et finalement comme divine, ce qui n'est pas notre cas. Paragraphe numéro 7, nous disposons de... So we are moving to number 7, paragraph number 7. Nous disposons de deux moyens principaux, des principes plutôt que des règles locales, pour intervenir dans la philosophie et la transformer, négativement et positivement, en une activité générique et proprement contemporaine. Problème, transformer la philosophie en une activité dite générique et par conséquent, d'une certaine manière, on pourra dire contemporaine. Ces deux moyens sont des principes. Le principe de suffisance philosophique et le principe de suffisance mathématique. C'est-à-dire, je couple philosophie et mathématiques comme font les modernes, comme font les philosophes modernes. Je les couple comme modèle ou paradigme soit de la pensée en général, de la pensée conceptuelle et de la pensée scientifique. Couper, vous voulez dire coupler. D'accord. So I couple philosophy and mathematics as the two models of modern thought. C'est bon. Bon. Je désigne par là deux contextes englobants. Dans la pensée, il y a des englobants. Englobants, voire auto-englobants, c'est-à-dire suffisants. C'est ça ce que j'appelle la suffisance. Englobant ou auto-englobant de toute connaissance et de toute pensée. La suffisance n'est pas le logocentrisme, la représentation ou la métaphysique, bien qu'elle les recoupe, mais elle ne se confond pas totalement avec le logocentrisme, la représentation ou la métaphysique. On ne pourra la définir que peu à peu par distinction d'avec le moderne et avec la distinction de ce qu'il reste du moderne dans les déconstructions postmodernes. Ces deux principes, j'essaie de les suspendre, de suspendre leur validité, afin de dégager le résidu du réel qui définit le générique. Le générique, si vous voulez, c'est la philosophie moins le principe de philosophie suffisante ou le principe de suffisance philosophique et moins le principe de suffisance mathématique. So the generic is philosophy minus the principle of sufficiency that you find in philosophy and mathematics. C'est une opération de suspension compliquée qui met en œuvre un modèle scientifique qui va être quelque chose tiré de la mécanique quantique et donc algébrique, un modèle plutôt algébrique, distinct du modèle mathématique suffisant du moderne et de sa philosophie absolue. Il s'agit d'atteindre le sol véritatif et générique à partir duquel une généalogie est possible de la suffisance comme suprême apparence des formes les plus hautes de la pensée. Alors, il reste évidemment, et là j'entre dans un défilé étroit et difficile, il reste à définir cet aspect de suspens ou de soustraction des deux principes majeurs qui font le moderne ou la philosophie occidentale. Bien entendu, par moderne, j'entends la philosophie en tant que fondée par Platon, relayée par Descartes, par des auteurs du XIXe siècle, donc Hegel, évidemment. Je n'entends ni pas tout à fait Kant, pas tout à fait Marx, et relayé finalement par Badiou et actuellement Meyassou. So by modern philosophy, I understand the philosophy that was founded by Plato and relayed by Descartes, Hegel, up to Badiou and Meyassou. Oh, il y en a certainement d'autres, hein, évidemment, ça va de soi, mais je cite des noms marquants. There might be many others, but I'm just quoting the most famous names. Alors, Badiou parle de soustraction pour atteindre ce qu'il appellera d'ailleurs lui aussi le générique. Il parle de soustraction. So Badiou speaks of subtraction to qualify what he calls the generic as well. Donc j'ai la soustraction apparemment en commun avec Badiou. Sauf que ce n'est pas la même procédure. Il va y avoir une addition qui conditionne la soustraction. Il faudra une addition pour produire une soustraction. Elle n'use pas de la même mathématique ou de la même science et pas du même matériau philosophique. Chez Badiou, que je prends comme référence parce qu'il illustre la philosophie moderne de manière parfaite, chez Badiou, le soustractif se veut absolu et aboutit à l'absolu. C'est une philosophie de l'absolu. Il est surdéterminé. Il est actuel, le soustractif, on peut le mettre en œuvre immédiatement, en quelque sorte, et il est clos chaque fois comme identité d'un acte déjà réalisé. Ici, au contraire, dans ce que j'appelle le contemporain et qui, je le rappelle, est un simple projet. Dans le contemporain, l'aspect soustractif ou suspensif est moins qu'une distance qui se refermerait sur soi. Elle est justement incomplète comme distance. C'est une simple orientation. Le vecteur est une simple orientation. Ça n'est pas une distance complète ou refermée sur elle-même. C'est une rection plutôt qu'une direction. Vous savez, il y a quelque chose d'étrange dans le mot de direction. C'est parce qu'une direction, vous indiquez une direction, mais en réalité, une direction, c'est une rection divisée. Donc, en réalité, quand vous indiquez une direction, vous indiquez deux directions. So there is something quite strange about the word direction, because that's why I prefer to speak of rection. Because in fact, when you speak of direction, the di indicates already a division. So even when you indicate one direction, you in fact indicate two directions at the same time. Alors, c'est une rection plutôt qu'une direction pleine, ou alors c'est une direction à la fois unique et complémentaire avec elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle est par ailleurs soustraite, elle a été soustraite d'elle-même pour une certaine partie ou pour une certaine proportion qui sera ce qu'on appellera tout à l'heure le quart de tour ou le nombre imaginaire, enfin le quart de tour, elle a été soustraite d'elle-même pour un quart seulement. So this quarter that has been subtracted from the direction, it's something that I will call the imaginary number later. Le vecteur apparaîtra sous-déterminé, pas une distance complète, c'est pas un objet fermé sur lui-même, si on le mesure aux deux pôles d'une distance. Il est simplement orienté sans être fermé sur soi ou en soi sous la forme d'un acte plein, un acte autosuffisant. Le vecteur n'est jamais autosuffisant. Autrement dit, la soustraction est l'effet d'une addition, puisque l'on a dit que la loi du vecteur, c'est l'addition. Un vecteur, on ne le soustrait pas d'abord de la représentation. So, in effect, subtraction is the effect of an addition. It is the law of the vector, because the vector is not subtracted from representation. Il n'est pas soustrait de la représentation. Évidemment, on peut croire que le vecteur, on l'a soustrait de la représentation, on of a course, refusé d'en faire un objet. Of course, it appears to be subtracted from representation, because we refuse to turn it into an object. Mais ça, c'est une illusion philosophique qu'on démontrera tout à l'heure. C'est une projection dans l'espace philosophique de l'opération vectorialisante. To believe in the fact that you can subtract the vector from representation is precisely a philosophical error or mistake or illusion. And that's exactly what I would like to demonstrate. Autrement dit, il faut additionner des vecteurs, ajouter un vecteur à un autre vecteur, le prolonger pour produire une soustraction quelque part, c'est-à-dire une soustraction, on le dira, sur l'élément de la philosophie, sur l'élément natif, naturel de la philosophie, c'est-à-dire sur la transcendance. It's only by adding up vectors that you can produce a subtraction, but a subtraction from what? From transcendence. Un vecteur, c'est comme une racine qui monte ou qui ascende. Plutôt que de s'enfoncer dans le sol pour ensuite mieux monter comme font les racines de l'arbre cartésien. Là, il faudrait évidemment beaucoup spéculer de manière intuitive et imaginaire sur l'arbre. Et sur la critique que fait Deleuze de l'arbre, etc. Bon, Heidegger aussi, etc. Of course, it would be quite interesting. It would be quite interesting to speculate on this Cartesian tree, and in particular by focusing on the way Deleuze criticized this, and Heidegger as well. C'est en ascendant que l'on peut s'enfoncer et dans le sol ou dans le sujet, et non l'inverse, s'enfoncer pour pouvoir monter. L'ascender est la cause ultime, l'enfoncer est l'élément de la cause que j'appelle occasionnelle, d'une cause venue du monde, et qui n'est pas, elle, immédiatement vectoriale. Autrement dit, plutôt une addition ou une surrection à effet soustractif. Une soustraction occasionnelle qui est ordonnée à une addition ou à un ajout. Page 5. Tout ça se veut essentiellement positif. C'est-à-dire qu'il y a une cause, il y aura une cause apparemment négative, mais qui ne sera négative que pour la philosophie, qui ne sera pas négative en elle-même, elle sera essentiellement positive à sa manière, vectorielle. Du coup, le contemporain, à la différence du moderne, ne sera pas spéculatif. So there is a cause that appears as negative, but in fact it appears as negative only for philosophy and not for what I call the contemporary. Il est orienté ou simplement radical. La distinction est entre la spéculation absolue ou désorientante et l'orientation d'une pensée-pulsion. La pulsion radicale est la racine qui ne fait pas identité ou enracinement, la racine qui ne fait pas enracinement dans la terre ou le ciel en vue d'aller vers son, dans son vis-à-vis. C'est une simple orientation, mais elle souvient au sujet philosophique individuel. Bon, deuxième grand point, du moderne au contemporain. Yeah, we're going to jump to number two. Philosophy, properly so called, begins with the invention of the subject, page 5. La philosophie proprement dite, c'est quelque chose que l'on dit, que l'on répète, commence avec l'invention de la structure sujet-autre. Le moderne d'Héraclite et Platon jusqu'à Badiou est fondé sur la coupure, dite platonicienne justement, plus ou moins franche, avec le mutos. L'introduction de quoi ? Du mathématique pour lutter contre le mythologique, voire contre le poétique. Introduction du non-être dans l'être ou du non-tout dans le tout. Il ne distingue pas, le moderne, l'existence de la pensée et son moyen monodisciplinaire qui... Pour le moderne, c'est le mathématique, et son moyen monodisciplinaire est suffisant, l'autre comme suffisance mathématique. Le mathématique, en réalité, n'est pas seulement, ou pour le moderne, le mathématique n'est pas seulement moyen ou force productive de la connaissance, il est aussi l'idéal du moderne. C'est en quelque sorte l'idéal du moi moderne. Le contemporain traitera plutôt le mathématique seulement comme un moyen et pas seulement ou principalement comme une fin. Je reprends exprès une formule un peu kantienne dans l'éthique. Seulement comme un moyen et pas seulement ou principalement comme une fin. Passe au troisième point. We're moving to number three, page 5. En fait, ou dans sa réalité fonctionnelle déployée, la matrice du moderne est plus complexe que l'image qu'en donnent les modernes eux-mêmes. Le moderne, c'est la fusion du sujet mythologique et de l'autre mathématique, mais fusion surdéterminée par le retour du sujet comme mytho-philosophique. Or, le contemporain n'est pas une variante de cette matrice du moderne. C'est plutôt l'inverse. Le moderne est une image simplifiée de la matrice plus complexe du contemporain, dont les modernes eux-mêmes se font une représentation amputée, dogmatique et mise au service des fins de la philosophie. On universalise et on autonomise le moderne en contemporain, on passe au contemporain, par plusieurs opérations. Petit a, en limitant le caractère monodisciplinaire et suffisant du moyen de l'autre, devenu abusivement idéal mathématique. Donc il y aura de la mathématique dans le contemporain, mais ce ne sera pas l'idéal ultime. Auto-englobant. Petit b, en changeant de modèle scientifique principal, physique, plutôt que purement mathématique, mais contenant un minimum de mathématiques, c'est-à-dire ici d'algèbre. Il faudra toujours de la mathématique, qu'on le veuille ou non. Peut-être si on confond philosophie et poésie. Alors peut-être qu'il ne faut pas nécessairement de la mathématique, mais pour nous, il en faudra. Unless you try to confuse philosophy and poetry, you need mathematics. And for Laruel, one needs mathematics. Mais du mathématique, il en faudra un minimum, bien moins que dans le moderne. C'est-à-dire, il faudra quelque chose de l'ordre de l'algèbre. Petit c, en égalisant surtout comme simple moyen la mathématique et la philosophie elle-même. On va les mettre sur un plan d'égalité. Sous sa forme dite générique, la matrice est alors le seul concret autonome, l'agent ou la cause de la détermination ou de la production de connaissances contemporaines. Mathématiques et philosophie n'étant plus que ses moyens ou ses forces productives, elles-mêmes transformées dans ce processus. Bon, je passe au paragraphe 4. We're moving to paragraph 4, number 4, page 6. Le moderne affirme en priorité le statut directeur idéal de la mathématique, en particulier de la topologie. La philosophie devant tirer les conséquences de sa subordination à la topologie. Mais cette affirmation est en réalité une ruse de la raison philosophique et de sa finalité. Je considère que c'est une ruse parce que la philosophie prétend pouvoir seule penser sa propre subordination à la mathématique. So philosophy pretends to be able to think by itself its own subordination to mathematics. But in fact, this gesture is a kind of a ruse of reason. La mathématique ne peut pas elle-même dire que la philosophie lui est subordonnée. Elle ne peut pas penser cela. En revanche, c'est la philosophie qui pense que elle, la philosophie, elle peut être ou elle doit être subordonnée à la mathématique. Autrement dit, la mathématique gouverne, la philosophie règne et surdétermine la fusion philosophie-mathématique. La philosophie est donc soumise à un mouvement de bascule très visible chez Badiou et Meyassou, où elle, la philosophie, se vide peu à peu de ses objets, surtout chez Meyassou. We're moving page 7. Surtout chez Meyassou, où toute la philosophie comme métaphysique, philosophie de l'étant premier, etc., est évacuée. Ce double mouvement d'inversion, que j'appelle de ludion, je ne sais pas si vous avez trouvé le terme anglais. Ludion. Diver. Cartesian diver. Double movement of inversion, or like a Cartesian diver, is... Et c'est un processus optique et spéculaire, je crois, entre fin et moyen qui se mirent l'un dans l'autre, qui s'entament et changent leurs fonctions, soit de moyen, soit de fin. Le contemporain lui va procéder tout autrement, avec les mêmes moyens généraux. Il affirme localement l'égalité de droit des deux disciplines, philosophie et mathématiques, mise sur un pied d'égalité à l'intérieur d'une matrice plus large, plus vaste. Puis, il courbe, le contemporain courbe la matrice en sens inverse du moderne, où sous-détermine la fusion par la mathématique. Ah, là, il faut un mot d'explication. Dans le moderne, la philosophie est subordonnée à la mathématique, mais finalement, elle l'emporte sur ce rapport. C'est elle, la philosophie, qui pense sa subordination à l'efficacité mathématique. So in the contemporary, philosophy is subordinated to mathematics, but ultimately it claims to be superior to mathematics. Dans le contemporain, j'imagine la catégorie du contemporain, cette fusion de la mathématique et de la philosophie n'est plus surdéterminée par la philosophie elle-même, mais sous-déterminée par la mathématique. C'est là le paradoxe. So in my view, philosophy is underdetermined by mathematics and no longer overdetermined. C'est pourquoi je ferai revenir le mathématique une deuxième fois, et pas seulement une première fois. This is why I require mathematics twice. First, to think its relation with philosophy, and then to think the relation between mathematics and philosophy, underdetermined by mathematics themselves. Je semble, contrairement à ce que j'ai dit, accorder une primauté à la mathématique. Of course, it seems that I'm attributing a primacy to mathematics. En réalité, non. But in fact, I'm not. Parce que nous allons changer de terrain, comme disaient les marxistes, nous allons changer de terrain. But in fact, as Marxists would say, we are changing grounds. En passant de la mathématique à la physique, By moving from mathematics to physics. Et dans la physique, il y a encore de la mathématique, cela va sans dire. And that's why I'm still speaking about mathematics, because in mathematics, you have physics and physics in mathematics. Chez certains physiciens, surtout de la mécanique quantique d'ailleurs, toute la réalité, toute la nature semble vouloir s'évanouir dans des formules mathématiques. In particular, in quantum mechanics, you have mathematics, because nature seems to vanish in mathematics formulas, mathematical formulas. Mais je ne crois pas que cela se passe en pratique de cette manière. Il n'y a pas d'absorption totale de la nature, de la physis, dans les formules mathématiques. But in fact, if you think it practically, you realize that there is no such a thing as a totally total disappearance of physics or physis within mathematics and abstraction. Alors, premièrement, l'autre, l'altérité, est cette fois physique avec un minimum d'algèbre, plutôt qu'exclusivement mathématique et topologique, exclusivement grande théorie mathématique. Et deuxièmement, surtout, la fusion cesse d'être surdéterminée par la philosophie ou par le sujet. Elle est sous-déterminée en sens inverse par l'autre, donc par de l'algèbre tirée de son usage quantique. La situation est apparemment paradoxale. Je reconnais, Petit a, la mathématique conserve dans le contemporain une fonction globalement déterminante, alors que la philosophie règne, n'est-ce pas, elle ne gouverne pas, elle règne, la philosophie. Petit b, elle échappe à sa subordination à la philosophie, devenue un moyen, elle aussi. Elles sont égalisées, en quelque sorte, comme deux propriétés équivalentes, enfin équivalentes, pas égales, mais ce sont deux propriétés d'autre chose. Et petit c, oui, petit c, elle est réduite, la mathématique, à ce qui sous-détermine cette unité. Elle est donc confirmée, la mathématique est donc confirmée, tout en étant restreinte dans sa signification à de l'algèbre plutôt qu'à des figures topologiques. We're a little bit lost, are we? I think. Yeah, but it's okay. It's just that there is no number 5 on the translate on the English translation, and there is on François's paper. Oh, okay. So I don't know where it's gone. I think we get to number 4. It's included in number 4. Non, non, je suis dans le 5. Yeah, yeah, but there is a, oui, 5, oui. There is a fifth paragraph. Le problème, le 5, je n'avais pas prévu de le lire. Oui, ah, ok. No, he made a mistake because actually he didn't realize that told me not to, that he's not going to read the number 5. So we're going to move on to From Ideas to Bodies and So to Vectors, page 7. On va être obligé de faire ça. Non, non, j'ai pas fini là. Vous n'avez pas fini? J'aurais terminé sur ce point par une formule synthétique qui est une parodie de Kant. So, before we move to From Ideas to Body and So to Vectors, I'm going to translate something new. Mais une parodie. Off-piste, ok. J'ai dû limiter la philosophie pour faire sa place à la mathématique et limiter la topologie pour faire sa place à l'algèbre. So I had to limit philosophy to give way to mathematics and I had to limit topology to give way to algebra. Alors, est-ce que je fais un schéma? Non, je ne fais pas de schéma ou tableau, tout va bien. Do we have time to? Well, we don't have time. So maybe we finish. We never will. We finish this and then we'll talk about. Okay, right. Let's do that. On finit ça et on parle des diagrammes. Alors le troisième grand point, c'est pour tracer le cheminement du moderne au contemporain, un cheminement idéal, un cheminement théorique évidemment, pas historique. So now I'm going to talk about the transition between the modern and the contemporary in order for you to have a clear idea of this kind of displacement, theoretical displacement. Il s'agit d'aller des idées, au sens platonicien, au corps. It's a question of moving from ideas to the body. Le corps peut-être au sens spinoziste, voire deleuzien. Maybe you have to take the body in the spinozist or deleuzian sense. Voire au sens de Badiou. Or maybe in the Badiouzian sense. Puis au vecteur, les And idées, then les corps, to reach les the vector. The vector. So you have a kind of a descending hierarchy between the ideas, the body, and the vectors. Alors, pour lutter contre l'offre anarchique contemporaine de tous les moyens ou de tous les savoirs. So page 7, from ideas to body and so to vectors. Il faut conserver à la pensée un minimum d'orientation et de choix. On posera que le contemporain est orienté sur la physique et l'algèbre, traitant de la matérialité conceptuelle ou des corps philosophiques, sur le mode vectorial. Autrement dit, il passe des idées mathématiques au corps matérialiste et de là au vecteur, c'est-à-dire à une pensée d'orientation. Premier point, les modernes ont une vision purement mathématique du réel comme vide et comme un de la jouissance. Les premiers nombres, comme 0 et 1, ont une fonction fondamentale, n'est-ce pas, chez Lacan et même chez Badiou. Ils remplacent évidemment, dans un style platonicien, la philosophie première. So the numbers 0 and 1, they are very important in Plato, but also in Badiou, and they replace the first philosophy. Mais le contemporain n'est plus du tout, n'est plus une telle philosophie redoublée de l'arithmétique comme première. Il reste dans la physique, dans le refus du zéro et du vide, de la décision absolue et axiomatique. Le problème du contemporain est algébrique. Ce n'est pas celui réel du zéro et du un, mais de ce qu'on appelle l'idempotence, de l'opération 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Comme symbole de l'immanence originale, immanence en mouvement du vecteur, immanence orientée du vecteur, dont on peut montrer qu'elle n'est pas analytique. Il n'y a pas deux termes séparés, mais qu'elle est mi-analytique, mi-synthétique. Deuxièmement, comme les modernes ont un usage dogmatique et tronqué, de mon point de vue, de la matrice, comme on l'a dit tout à l'heure, en guise de fusion du sujet et de l'autre, ils ont tendance à plaquer des nombres directement sur le réel supposé du sujet, qui du coup est happé par le vide du zéro mathématique et plaqué sur la jouissance, qui du coup est happé par le 1 du nombre ou de la suture du vide. Ce rabattement, à mon avis, est un cercle vicieux, ce rabattement immédiat, des nombres, des grands nombres comme 0 et 1, sur le réel, en particulier sur le trou du sujet. Je crois que Lacan, comme cela a été dit et montré, est encore spinoziste. Il fait jouer les définitions et démonstrations comme les yeux de l'âme, dans un désir moderne de rationalité totale qui va commencer à s'étendre jusqu'à Nietzsche et même au-delà de Nietzsche. La jouissance en est appauvrie et réduite à l'un et ou au vide. Le contemporain va chercher une autre solution. Il unifie la forme algébrique, celle de l'idempotence, de l'opération d'idempotence, et le vécu ou la matérialité vécue prise du sujet humain, il les identifie dans un hulémorphisme dont le principe est quantique ou fondé sur une superposition ou une interférence plutôt qu'une identification. Deuxième point, la domination moderne de l'idée induit un manque de corps ou retarde l'arrivée du corps à la fin de la connaissance. Qu'il s'agisse de Platon, de Descartes, de Badiou, le corps, on le prend en considération à la fin de la philosophie. Cela montre sa subordination à une thèse soit idéaliste, soit matérialiste générale. Ces philosophes arrivent en dernier lieu au corps, y étendent l'édifice mathématique, les corps sont généralisés et idéalisés dans un matérialisme macroscopique, si l'on peut dire, et corpusculaire. Badiou finit par se positionner en concurrent de la tradition logico-corporelle aristotélicienne, mais ce n'est qu'une philosophie mathématique ou une logique qui aborde le problème des corps au niveau logique, non au niveau physique. Il faut au moins le renversement de ce platonisme par Spinoza, par Nietzsche et Deleuze, pour commencer à prendre le corps comme fil directeur. Badiouf est une logique matérialiste des corps, mais pas une science comme telle des corps. Les corps entrent dans la philosophie à une place secondaire et au niveau donc de la logique comme rapport de force. Il faut, pour le contemporain, deux déplacements. Alors, premier déplacement, remplacer le modèle dominant de l'idée mathématique par celui du corps. Roland Barthes, le corps a le primat sur l'écriture et la pensée. So the body has the primacy over writing and thoughts, exactly like in Roland Barthes for François. L'extension physique de la physique presque physicienne de la matrice libère, on l'a dit, les forces productives du corps plutôt que l'autre comme psychologie ou comme signifiant linguistique. Je saute la fin de ce paragraphe qui se réfère à Nietzsche pour beaucoup. Il faudra un second déplacement. So he's moving to the last paragraph, page 8. A second displacement is necessary in order to move bodies away from their logicized or conceptual particles. On est passé des idées au corps, mais qui sont encore logicisées, ou on est passé des idées à des corpuscules conceptuels, si je puis dire. So we have moved from ideas to conceptual corpuscles, from ideas to constructing appearances by a kind of a game of textual forces, as you can find in Derrida. C'est-à-dire des rapports entre signifiant, signifié et quelque chose d'imaginaire, au-delà du signifiant, du signifié, on utilisera des forces définies physiquement. I will use forces that are defined not textually, but physically. J'utilise cet argument de la différence avec Derrida pour signifier ceci. I use this argument that goes against Derrida to make sense of... La déconstruction derridienne, qui est une grande chose à sa manière... utilisant des forces textuelles renvoie à la linguistique essentiellement sur tous ces aspects. So Derrida's deconstruction by using textual forces refers to linguistics and only to linguistics. Mais la linguistique pour moi est trop marquée par la philosophie, par le poids de la philosophie. But for me, linguistics is overdetermined by the weight of philosophy. Et je préfère le modèle quantique. That's why I prefer to use the quantic model. Donc le corps, au sens de la catégorie du contemporain, ne sera que partiellement déterminable par la mathématique ou dominable par la topologie. Il est ouvert sur la diversité spécifique des savoirs utilisables, dont la linguistique d'ailleurs, comme moyen ou force, au lieu de recourir à une mathématique lourde comme mesure de la philosophie, comme sa base ou son infrastructure. Alors, cinquièmement, je passe au quatrième paragraphe. Cinquièmement. So, cinquièmement. Page 9. Number 5. Le moderne n'est pas seulement une nouvelle distribution des coupures et des ouvertures. Vous savez ce que dit Foucault, il faut distribuer autrement les coupures dans le tissu des relations, etc., dans les épistémailles, et puis les ouvertures aussi. C'est un nouveau rapport au réel, une manière de le donner en soustrayant, le moderne, chaque fois la donation de ce qu'elle donne. Mais... cette soustraction, ce fantasmant comme absolu, si bien que mathématiques et réels tendent vers une ouverture unique, une absence à la limite extrême, une négation de tout rapport. Le moderne confond au moins tendanciellement la mathématique avec le réel en soi, position cartésienne de Meyassou, puis ensuite position mathématique, post-cartésienne de Meyassou. So the modern confuses mathematics with the real in itself, and this is the post-cartesian approach of Meyassou. Il confond au moins tendanciellement le mathématique avec le réel en soi, l'extériorité topologique avec le dehors absolu ou le réel qu'il donnerait donc sans médiation. Il y a en lui, de mon point de vue, évidemment c'est une critique du moderne, hein, vous l'avez bien senti, une critique violente du moderne, il y a en lui un dogmatisme caché et un trait autoritaire qui se dénie. C'est ainsi que l'imaginaire spéculatif et mathématique va jusqu'à nier l'autre pour affirmer l'en-soi. L'en-soi, ce n'est même pas l'autre. L'extériorité pure du grand dehors, ou ancestralité, comme dit Meyassou, a remplacé l'autre de la psychanalyse, même le dehors de Deleuze et Foucault, qui était cependant déjà de la topologie meubienne, de Meubius, donc qui appartenait encore à la corrélation, sont maintenant évincés par l'équation mathématique égale philosophie, égale spéculation. Mathématique égale spéculation. Supposons au contraire que le contemporain soit passé par Kant et la corrélation transcendantale. Le contemporain ne nie pas la corrélation, comme Badiou d'une certaine manière, enfin Badiou est plus subtil que Meyassou. Il ne la nie pas, mais la partage de manière inégale ou unilatérale. Il reconnaît que, comme savoir, il est duel et complémentaire, d'une part réel, donc sans médiation, et d'autre part, il est complémentaire avec un moment média, mais qu'il inclut dans son immanence, c'est un média sans opération de médiation. Ce n'est ni la finitude, ni son opposition à l'infini, c'est le transfini, qui est solution de l'opposition du fini et de l'infini, l'ouverture de la future, de ce que j'appelle la futuralité, et non pas l'ancestralité. C'est-à-dire, j'opposerai la futuralité du travail contemporain à l'ancestralité du travail de la pensée moderne. I oppose the futurality that you can find in my contemporary work to the ancestrality that you find in modern philosophy, and this includes Meyassou. Car évidemment, le moderne est une tradition. Il y a un livre fameux qui s'appelle La tradition du moderne. Because in fact, the modern is already a tradition, and you have a famous book called The Tradition of Modernity. Alors les conséquences, quelques conséquences parmi d'autres de cette tentative de construire la catégorie du contemporain, construction incomplète évidemment parce que je n'ai pas beaucoup parlé ni de la futuralité, et pas beaucoup du vecteur, pas beaucoup du travail du vecteur par rapport au réel, c'est là qu'il faudrait faire un schéma. So I'm trying to construct this new category of the contemporary, and I've briefly mentioned the vector, but I should sketch something, but maybe later. Oui. Moi, je crois que le moderne, c'est un logos fossilisé. So for me, éternel. The modern is a logos that has been fossilized, that has become eternal. Et qu'il s'agit de trouver un logos à inventer, un logos à inventer. And what matters now is to manage to find a logos a logos to be invented. C'est le seul moyen pour réorienter la pensée qui a été désorientée par Hegel. That would be the only way of reorientating thought, which has been disorientated by Hegel. Hegel, comme philosophie de l'absolu, certes traverse toute l'histoire de la culture, mais finalement, toutes ces orientations sont réduites, je dirais, presque à néant. In fact, Hegel obviously traverses the entire history of culture, but in fact, through this new notion of the contemporary, all his orientations are reduced to nothingness, so to speak. La grande opposition du contemporain est au style, c'est l'opposition au style de la preuve ontologique de Descartes et de Spinoza jusqu'à Deleuze. L'autoproduction désirante, cette preuve ontologique qui rassemble les modernes sous le principe de raison, puis, chez Meyassou, sous le principe d'irraison, auquel on opposera, à mon avis, du point de vue des contemporains, le principe de non-suffisance de la raison. Principe de non-suffisance de la raison, comme anti-preuve ontologique. Pour cette raison, dans le contemporain, il y a à travailler, à parier, et pas seulement à déduire et planifier. Il y a à inventer, et pas seulement à construire. Deuxième conséquence, l'ancestral et le futural. Oui, je viens d'en parler. Le futural, c'est ce que j'appelle aussi la messianité humaine. The futural is also what I sometimes call the human messianity. L'ancestral et le futural ne sont pas symétriques, car l'ancestral est un décalage temporel de la pensée ou de la donation avec le réel donné. Décalage qui va aussi bien dans toutes les directions, tantôt dans le futur, tantôt dans le passé. Il suppose le temps déjà donné. Le futural est l'ouverture qui décolle le générique d'avec l'étant particulier, sans doute, mais aussi d'avec l'être macroscopique, donc de l'étant premier ou de Dieu, faisant du futur une orientation humaine sous-déterminante et non plus sur-déterminante. Bon, et troisièmement, je saute je vais à la fin. So we're moving to tabula rasa and the genealogy of illusion to conclude. Le moderne, c'est bien connu, les philosophes modernes adorent la table rase. Modern philosophers, as we all know, they love tabula rasa. Parce qu'ils aiment recommencer à zéro. Because they love to start from the beginning. C'est pourquoi aussi ils sont révolutionnaires. That's why they are revolutionary. Même si c'est une révolution idéale. Even if it's an ideal revolution. Ils sont sous le point de vue, d'une certaine manière, de l'éternité. In fact, they are subspecie eternitatis, or under the sign of eternity. C'est-à-dire comme Kant l'a montré, à Kant et Heidegger l'ont montré. Like Kant and Heidegger showed. Ils ont tendance à oublier la part de l'illusion dans le destin de l'errance, dans le destin de l'humanité. The modern tend to forget the part of illusion or the part of errancy in human destiny. La futuralité ou la messianité, ça ne veut pas dire que le futur nous arrive tout fait, pas du tout. Cela veut dire qu'il y a à travailler, à lutter, à transformer ce qui nous est donné du passé pour en faire quelque chose qui fera partie de ce que nous inventons, so de ce que nous produisons. Means that one must construct the past and reinvent it as a part of what we are now constructing. Le contemporain fait sa part, en quelque sorte, aux apparences, à l'apparence transcendantale, dirait Kant. C'est-à-dire une apparence qui affecte la raison elle-même. So the contemporary gives an important part to appearances, that is, to what affects reason. Par exemple, le contemporain, sans nier le moderne, il ne s'agit pas de nier le moderne, doit déplier toutes les formes macroscopiques, comme l'objet, évidemment, comme ce qu'on appelle un objet, il faut déplier l'objet au profit du vecteur, comme aussi la décision, pas faire une philosophie de la décision, simple, comme aussi l'événement. L'événement est trop souvent, comme le suggère Badiou, une auto-appartenance, en quelque sorte, de l'axiome, de la décision. So the contemporary unfolds objects and replaces them by vectors. By this, he rethinks the event and the nature of decision. Il faut déplier en particulier le flash ou l'éclair du logos, qui sont des phénomènes en réalité d'essence vectoriale. Au lieu de penser flash, lumière qui brille, comme un événement nouveau dans le monde, n'est-ce pas ? Il faut déplier le flash, déplier l'éclair, et voir que l'éclair, c'est un phénomène de retour brutal sur soi, so, de réappropriation. Contrary de soi. To Deleuze, who thinks the lightning as lightning in itself, you need to unfold the lightning by thinking it as a kind of a retour sur soi. Oui, de retour sur soi ou en soi. Self-recursivity or recursivity onto oneself, so back to immanence and not from the pure outside. Les philosophes modernes sont facilement des philosophes de l'événement, ce qui peut paraître curieux alors qu'ils sont aussi des philosophes de la table rase. Mais justement, sur une table rase, il peut y avoir des événements. Modern philosophers are easily philosophers of events, but it's a bit weird because they are also philosophers of the tabula rasa. Mais l'événement, c'est un processus. L'éclair, the event is a process. The lightning bolt. L'éclair, la foudre, puisque c'est un modèle intuitif, c'est un processus. The lightning bolt is nothing other than an intuitive model. C'est un modèle intuitif qui concentre un processus et qui fait oublier le processus. It is in fact a process, but this image concentrates the process and makes it vanish somehow. Pourquoi l'événement est-il modélisable sous la forme d'un éclair? So why does the event, why is the event modelizable under the form of the lightning bolt? Parce que l'éclair a à peine lui qu'il se résorbe en lui-même. Because the lightning starts flashing and at the same time as it flashes, it also vanishes. L'éclair s'auto-appartient. That's why the lightning belongs to itself. Et le contemporain, ça consiste, au contraire, d'une certaine manière, à se délivrer du logos, du logos flash, hein, du logos immédiat, événementiel ou événementiel, et à penser se déplie du logos. So in fact, the contemporary consists in freeing oneself from this lightning bolt of the logos and to rethink the lightning through the vector. Et comme vous savez, la science, la physique qui s'occupe de la lumière, qui s'occupe entre autres de l'éclair éventuellement, mais du flux de lumière, c'est la physique quantique. And as you might know, the science that deals with lightnings is quantum physics. La philosophie est une physique du logos, enfin c'est un phénomène physique, c'est le logos, la lumière du logos, en état de co-appartenance, mais qui ne cesse en même temps de rayonner tout en étant contracté sur ça. And what is philosophy if not just the light of the logos that shines all the time, but at the same time that remains contracted onto itself? Eh bien, il faut apprendre à déconstruire ou à analyser ce flash du logos et comprendre que le logos, la grande raison occidentale, c'est un processus quasiment physique. Un processus avec une onde, c'est une onde qui projette de temps en temps des particules, ou qui fait jouer des particules, que sont les philosophies. So maybe we must learn how to analyze this lightning, the lightning of the logos, as a physical process which projects from time to time various particles, which are philosophies. Bon, tout ceci, c'est une introduction, en fait, au texte sur la photographie de demain. And in fact, all I have said today is just an introduction to the conference I'm going to give tomorrow at Goldsmith about photography. Bon, j'arrête.